Les porte-parole de l'Association générale des Coréens en Chine et de sa filiale à Liaoning ont publié respectivement les 11 et 13 les communications en faveur de la lutte du syndicat national des enseignants en cours en Corée du Sud. Ils y ont dénoncé les crimes de la bande des conservateurs de Park Geun-hye qui ont perpétré les violences fascistes en condamnant par l'intermédiaire du tribunal d'organisation syndicale illégale cette formation progressiste des enseignants avant de le priver du statut légitime et déclaré soutenir par tous les moyens sa lutte pour la légitimité du syndicat.